Alors moi, je vais vous raconter la petite histoire du questionnaire, parce que je pense qu'elle est révélatrice d'abord de sa signification, et puis aussi parce qu'elle donne des éléments sur les conditions de production de cette enquête-là, qui ne sont évidemment pas anodines. Donc cette enquête, au départ, ça a été une initiative locale qui est née en réponse à l'appel de la coordination des laboratoires en lutte du printemps de l'année dernière, qui donc avait fait un appel à la constitution de comités de défense de précaires sur les sites, et avec notamment pour tâche de recenser les précaires. Ça, c'était l'appel général. Et cet appel général s'est retranscrit au niveau local, comme on est sur le site CNRS Pouché, donc là où les choses ont commencé pour cette enquête-là, majoritairement des sociologues. Ben, on s'est dit qu'on faisait une enquête, en fait. Enfin, assez spontanément, je crois que même qu'on ne se l'ait pas dit, on s'en est rendu compte a posteriori en parlant avec d'autres gens qui avaient eu des initiatives locales aussi et qui faisaient juste un comptage on avait transformé, l'appel de départ dans cette dimension-là. Donc, en fait, cet appel de la coordination faisait écho avec des discussions qu'on avait dans les manifs, en gros, au cours des semaines précédentes, de se dire que voilà, ça, c'était quand même un des aspects fondamentaux de ce qui se passait, que la précarisation de l'emploi dans l'enseignement supérieur et la recherche était évidemment quelque chose de central, et aussi de donner une voix au chapitre à des personnes qui l'ont pas, à la fois dans les mobilisations, parce qu'en fait moi je discutais avec pas mal de gens précaires, enfin pas que moi, hein, mais d'autres sur le site qui ne se sentaient pas, enfin qui ne venaient pas dans les mobilisations, qui ne s'y trouvaient pas représentés, qui ne voyaient pas, enfin qui trouvaient que c'était en fait des mobilisations statutaires qui défendaient leur statut, mais qui ne les concernaient pas directement, sauf à dire qu'un des effets terribles des réformes actuelles, c'était la montée de la précarisation. Voilà, pas plus que ça. Donc du coup, quand il y a eu cet appel de la coordination, ça a fait écho en fait avec pas mal de choses qu'on se disait déjà sur le terrain. Donc on a constitué assez vite un petit groupe qu'on a appelé donc Comité de défense des précaires du site CNRS Pouché. En toute simplicité. Et donc on était une dizaine de personnes. Ce qui était assez bien dans la composition spontanée de ce groupe, c'est qu'il y avait à la fois donc des statutaires, des précaires, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des chercheurs, des ITA. Enfin voilà, il y a eu une diversité de départ qui était très importante, je pense, pour que ça fonctionne. Et donc on a réfléchi. Alors je vous parle de ça aussi parce que ce moment de réflexion au niveau local a été un moment assez intense et assez difficile, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, la discussion a donné lieu à quelque chose de concret, quelque chose de constructif. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Les précaires du site, enfin, en tout cas ceux qui, en fait, étaient les plus proches du centre, les moins anomiques par rapport au site sur lequel ça s'est passé, ont eu le sentiment d'avoir un espace de parole. Et puis en même temps, ils se sont rendus compte que non seulement ils n'étaient pas seuls dans leur situation, ce qui était assez réconfortant, mais que quelques-uns de leurs interlocuteurs parmi les statutaires débarquaient complètement. C'est-à-dire, donc c'était bien, mais c'était un peu dur en fait que de voir que certaines de des personnes qu'ils avaient en face d'eux, et donc qu'ils avaient en face d'eux au quotidien, quand même n'étaient pas bien au courant de ce qu'ils vivaient. Donc il s'est passé ça aussi, et ça a eu des effets bien sûr sur la construction du questionnaire. Alors je vais maintenant en venir plus précisément là-dessus et sur le choix de problématique qu'on a fait, parce que ça a été l'objet de discussions. On ne pouvait pas faire un questionnaire de 50 000 pages, il fallait évidemment qu'on concentre sur un aspect en particulier. Ce qu'on a décidé de privilégier, et ça ne s'est pas décidé tout seul, ça ne s'est pas fait facilement, c'était de se dire, voilà, on veut construire quelque chose de sociologiquement tenable, quelque chose qui fonctionne, mais avec une visée de lutte. Donc l'idée, c'est de montrer à l'institution qu'elle fait travailler des gens en emploi précaire, et que ces emplois-là, pour la très grande majorité d'entre eux, devraient être des emplois pérennes, parce que de fait, elles fonctionnent, enfin voilà, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dessus, pour créer une revendication à cet égard. Ce qui veut dire qu'on n'a pas pris en compte les trajectoires des précaires, on n'a pas fait une recherche de qui est le plus exposé à la précarité en fonction des capitaux accumulés ou pas accumulés au cours de la trajectoire scolaire, familiale, etc. Ce qui était un deuil, et ce qui a posé problème. Enfin, ce qui a posé discussion, parce que c'était quand même aussi, du coup, mettre la précarité au centre, mais décentrer une partie des causes de la précarité, qui ne sont pas que institutionnelles, mais qui sont aussi en amont dans les trajectoires individuelles. Et l'autre deuil qu'on a fait pour resserrer notre problématique, c'était de parler des conditions de travail des précaires, pour partie de leurs conditions de vie, mais assez peu. On voulait centrer sur la rémunération, sur ce que ça faisait au niveau symbolique, etc. Mais tout ce qui était de l'ordre du privé, du hors enseignement supérieur et recherche publique, ça a été un peu pris en compte, parce qu'on ne l'a pas totalement éliminé. Mais finalement, ça n'a pas pris une place énorme dans l'ensemble du questionnaire, parce qu'on voyait que si on partait là-dedans, ce qui aurait été, ce qui serait une enquête en soi et qui aurait évidemment beaucoup de signification, on doublait la taille du questionnaire. Donc voilà, on a resserré là-dessus et ça a été vraiment, c'est ça qui a fait l'objet le plus de discussions, plus que la formulation des questions et de comment on allait s'y prendre. C'était vraiment la construction de la problématique qui a vraiment fait l'objet de débats, et notamment avec des clivages entre statutaires et précaires aussi sur la portée. Parce que comme il y avait une dimension symbolique forte de reconnaissance au travers de cette initiative même de construire un questionnaire, il y a eu des personnes qui, donc des précaires du comité, qui voulaient voir d'abord dans ce questionnaire la possibilité de s'exprimer. Donc il y a eu comme ça tout un enjeu aussi sur les questions ouvertes, les questions fermées. Voilà, ça a discuté beaucoup autour de tout ça. Alors au total, je ne sais plus si on a la structure du questionnaire là, mais... Bon, vous avez de toute façon le questionnaire et ouais, voilà, très bien, ça apparaît progressivement. Donc voilà, il y a les, je ne vais pas vous les dire, hein, les 8 parties qui font la structure du questionnaire. Ça, je pense que c'est assez assez évident comme ça. Je ne vais pas vous faire une explication de texte, mais donc à partir du moment où où on s'est mis d'accord sur la façon de fonctionner. Donc on a fait un questionnaire avec un maximum de questions fermées et de questions de fait, se disant que bon, la précarité, c'était d'abord des conditions objectives de vie et de travail. Donc c'est là-dessus qu'on a centré, en essayant de prendre en compte, notamment du point de vue de la rémunération, et c'est ça qui était compliqué à saisir, à la fois le niveau de rémunération et la discontinuité dans les rémunérations, les éventuels cumuls de contrats ou non-contrats, le fait justement qu'il y ait des contrats ou qu'on puisse travailler hors cadre, absolue. Donc voilà, c'était toute cette diversité qu'on voulait prendre en compte en fermant au maximum les questions. Et on a laissé en fin de questionnaire la possibilité pour les enquêtés d'avoir un discours sur leur situation, sur le questionnaire aussi, pour mettre un peu plus de chair derrière les chiffres. Quand on a donc ça a bien marché au niveau local. On a eu 50 retours, ce qui est significatif sur un site où il y a 60 statutaires CNRS, plus des enseignants-chercheurs. Donc, c'était quand même pas un chiffre ridicule. On s'est rendu compte que c'était donc quelque chose de faisable. On l'a étendu, on l'a porté au niveau de l'intersyndicale qui a accepté de le relayer, qu'on en fasse une enquête nationale. Du coup, le questionnaire a gardé sa base de départ, mais avec un double élargissement, donc évidemment national, mais ce qui veut dire aussi un élargissement disciplinaire. Le site CNRS Pouchet, c'est un site de SHS, et donc le questionnaire était SHS au centré. Enfin, il a fallu quand même prendre en charge d'autres caractéristiques qui sont un peu différentes dans d'autres disciplines. Et puis aussi, le questionnaire avait été fait quand même dans une optique CNRS, donc on a pris en compte beaucoup plus, et peut-être pas assez, mais parce que c'est là qu'est le plus compliqué, c'est à l'université, quoi, qu'il y a à la fois, on le verra, la précarité la plus grande et la précarité la plus complexe. Mais donc on a étendu aussi dans ce sens-là la portée du questionnaire. On a relevé, on a pris 4 entrées de population, on a supposé 4 catégories avec la possibilité pour les répondants d'en ajouter, mais finalement ça rentre à peu près dans ces 4 catégories-là. Donc à la fois les ITA, ce qui correspond les gens qui occupent des postes d'ITA ou de Biatos, donc ITA dans les établissements, dans les EPST et Biatos dans les universités. Ça, c'est un des apports aussi par rapport à, par exemple, le rapport de l'OST qui n'est fondé que sur la réalité des chercheurs. C'était important pour nous justement qu'on reprenne tout le monde, et aussi, non seulement pour parler de tout le monde, mais aussi parce qu'on voit bien que certaines personnes sont par exemple en thèse et assument des fonctions administratives ou sont docteurs. Voilà, il fallait prendre tout en compte pour vraiment avoir une vue globale de la précarité qui est faite de beaucoup comme ça, d'aller-retour dans plusieurs types de postes. Donc, les itéabiatos, les doctorants, les docteurs sans poste, et une quatrième catégorie qui est apparue au moment de l'élargissement du questionnaire, qui est compliquée comme catégorie, mais qu'on ne regrette pas d'avoir créée, mais qui est compliquée à traiter, qui est celle des enseignants vacataires, des enseignants. Donc c'est une catégorie à part, ce qui peut paraître à première vue un peu étrange, parce qu'on se dit, bah, après tout, cette catégorie-là, elle est peuplée de docteurs, de doctorants, de gens comme ça. Sauf qu'en fait, il y a des gens qui ne sont dans aucune autre catégorie et qui donnent juste des cours, qui font des vacations et qui ne se considèrent pas ni comme docteurs alors même qu'ils peuvent l'être, ni comme doctorants alors même qu'ils peuvent l'être, puisqu'on est parti de l'autodéfinition des gens de ce qu'ils considéraient comme étant leur situation de précarité. Et en même temps, évidemment, cette catégorie recouvre d'autres catégories, des gens pouvant être à la croisée de ces quatre catégories-là. J'en finis avec ça, donc juste pour dire que ça, c'est quelque chose d'important, mais c'est ce qui rend très complexe l'exploitation et sa restitution, que ces quatre catégories-là, il fallait bien, à un moment donné, les stabiliser pour avoir un propos, quoi, parce qu'il y a quand même des distinctions en fonction de ces sous-populations-là. Et en même temps, et c'est là une des caractéristiques, de toute façon, de la précarité, ces quatre catégories sont séquentes, très séquentes les unes entre les autres, et c'est ça aussi qui rend les choses un peu complexe. Alors, ce qu'on a décidé de faire pour ce soir, pour vous présenter les résultats, c'est d'abord de vous donner les résultats généraux, donc d'avoir un discours un peu synthétique sur les grandes caractéristiques qu'on a pu tirer de l'exploitation du questionnaire, en vous disant aussi que cette exploitation du questionnaire, on l'a faite je pense qu'on a fait du travail sérieux, mais on a fait en 2 semaines et demie, donc c'est une exploitation qui à la fois, je pense, est rigoureuse, enfin tout ce qu'on dit, on l'a croisé, vérifié, bien travaillé. Par contre, on pourrait aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire on a un ensemble de données qui est suffisamment riche pour pouvoir tirer plus de choses. Mais ça, on peut ensuite en parler plus dans la discussion. Donc, on va vous faire cet exposé synthétique. Et ensuite, Wilfried centrera sur plus particulièrement la catégorie des docteurs sans poste. Donc, on laissera de côté, enfin, on en parlera, mais uniquement dans la partie synthétique, les ITA, les doctorants et les vacataires. Donc, on pourra aussi en discuter par la suite. Voilà, je te laisse.